Bon vendredi, ici Dominique Lelièvre et les informations. Le Grand Théâtre de Québec poursuivra normalement ses activités malgré des travaux importants de 30 millions de dollars qui débuteront ce printemps. C'est l'un des avantages de la solution retenue pour mettre un terme à la dégradation de la façade en béton. Le Grand Théâtre sera recouvert d'une enveloppe de verre afin de le protéger des intempéries. Cette décision fait suite à un rapport d'expertise qui sonnait en 2013 l'alarme sur l'état du bâtiment qui aura bientôt 50 ans. Le chantier va se mettre en branle au cours des prochaines semaines et va s'étaler sur un peu plus d'un an. Le gouvernement du Québec amorce sa réflexion sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir pour les personnes inaptes ou qui font une demande anticipée. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, mandate un groupe d'experts pour se pencher sur la question. Il admet qu'il s'agit d'un dossier complexe qui mérite de prendre le temps. Sa collègue à la justice, Stéphanie Vallée, entend de son côté saisir les tribunaux pour clarifier le concept de mort raisonnablement prévisible. Le maire de Québec, Régis Labeaume, est prêt à allonger jusqu'à 10 % de la facture du service rapide par bus. Cela pourrait représenter une somme d'environ 100 millions de dollars. Il réagissait au dépôt du budget fédéral de mercredi qui limite le financement des projets de transport en commun à 40 %. Québec tablait plutôt sur une participation de 50 % du fédéral. Régis Labeaume a affirmé que cela ne freinerait pas son élan et que la Ville de Québec avait les moyens d'assumer le manque à gagner. Scène internationale, le projet d'oléoduc Keystone XL pour aller de l'avant. Le président américain Donald Trump a confirmé en avant-midi qu'il autorise la construction du pipeline de 1900 km, dont 1400 seront construits aux États-Unis. Pour lui, le projet est synonyme d'emploi et d'indépendance énergétique. La décision est bien accueillie par TransCanada, qui planche sur ce projet depuis 10 ans et qui s'était précédemment fait dire non par Barack Obama. Les opposants de Keystone XL entendent de leur côté maintenir la pression. C'est le cas de plus de 120 Premières Nations du Canada et des États-Unis qui se sont regroupées pour faire front commun. Printemps, été, automne, hiver, météo. Quelques flocons de neige encore cet après-midi, ça va se poursuivre au moins jusqu'à l'heure du souper. C'est gris aujourd'hui, le mercure va atteindre 0 degré au cours des prochaines heures. Ça se dégage demain matin, il fera moins 1 degré demain samedi. Dimanche, c'est plein soleil, 0 degré. Présentement à Québec, c'est de faibles averses de neige, il fait moins 4 degrés.